je vous casse les oreilles depuis le début de l'émission. Je vous dis que DJ 1Pierre va venir faire un tour. C'est maintenant le temps. On le reçoit. Il va venir donner un camp DJ là, cet été à Penetang et à Barrie. DJ 1Pierre, salut. Allô. Ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Écoute, tu t'en viens ici, t'es venu porter les platines pour le camp DJ qui va commencer, c'est quoi, c'est en juillet et en août? Le 16, à Barrie. Le 16 juillet ici à Penetang, puis le 20 août à Barrie. J'espère que les jeunes ont hâte d'être avec toi et pratiquer leur nouvel art s'ils n'ont jamais fait de platine encore. Ouais, c'est ça. Ils ont, en autant qu'ils amènent une tonne de curiosité, ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir un talent ou avoir déjà touché à ça. Le but, c'est vraiment de partir au début de la semaine avec rien, puis d'ouvrir les boîtes, genre, avec eux autres, puis de finir en fin de semaine, le vendredi soir, avec un rave, un party, tu veux appeler ça comme tu veux, là. Mais on se fait un gros show, genre. Pour ceux qui te connaissent pas, t'es qui, tu viens d'où? DJ 1Pierre. DJ 1Pierre, il vient du sud de l'Ontario. Dans le fond, moi, je suis à Cambridge, juste à côté de Kitchener-Waterloo, à une heure à l'ouest de Toronto. Puis, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis là-bas. Puis, depuis 2012, je tourne, puis j'ai commencé à faire des petits gigs dans les écoles, les fêtes de fin de soirée. Puis, finalement... bouche à oreille, j'ai commencé à faire des tournois, j'ai commencé à faire des fonctions du corpo, puis ben, maintenant je suis rendu faire des entrevues ici, à la radio. À CFRH. Yeah, yeah. Tantôt, tu me racontais, juste avant de rentrer en onde, que c'est toi qui mettais le party un peu, qui touchait un peu à tout, et il y a une de tes amies qui est arrivée un soir dans un party, et c'est là que la piqûre t'a pris de devenir DJ. Ouais, non, effectivement, c'est aussi simple que ça. T'sais, moi, au secondaire, j'ai toujours été celui qui amenait les CD ou qui fouillait dans les CD des parents de mes amis, genre, puis qui finissait par mettre des tunes. T'sais, on avait juste un ghetto blaster, là, t'sais, une radio, fait qu'on mettait une tune à la fois ou un CD avec une coupe de bonnes tunes. Puis finalement, ben, cette soirée-là, je me rappelle, une de mes amies était partie faire un 6 mois en France, genre enseigner l'anglais en France, puis est revenue avec une petite platine Hercules, là, des boutons genre à moitié brisés. Puis on s'est assis, on a pris une petite bouteille de vin qu'elle avait ramenée aussi. Puis dans le fond, on a joué toute la soirée là-dessus. Puis ça a comme été, comme tu as dit, là, une piqûre. Depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment lâché ça. J'ai pratiqué, puis c'est ça. La bouteille de vin, c'était-tu pour te donner du courage? Oh non! Non, ça c'était juste pour mes papilles gustatives. Ah, non, okay. Ça c'est dans le sang, là. Je veux dire, c'est toujours le fun. Puis elle venait juste de passer 6 mois, fait que c'était cool de la revoir. Puis tes influences dans le domaine DJ, c'est quoi un peu? Ben c'est grandement influencé par la scène électronique de Toronto. À Toronto, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Savent. Ils savent. Ouf! C'est trop loin. Ma mère, elle écoute pas ce carré. Elle dira. On coupera ça au montage. Dommage, on est en direct. Ouais, c'est ça, j'allais dire ça. Donc, à Toronto, il y a une grosse, grosse scène. Donc, à tous les soirs de la semaine, il y a quelque chose. Il y a un party, il y a de la musique, il y a de l'électronique qui se joue. Habituellement, surtout du côté underground, donc quand on commence à penser drum and bass, jungle, UK garage, c'est des styles qui viennent de Londres en Angleterre, puis la capitale c'est London UK, puis la deuxième capitale c'est Toronto. Donc à ce moment-là, c'est comme ça que moi à l'université j'ai découvert ces parties-là à travers des amis encore une fois, puis ça m'est resté. Puis mon but dans le fond, c'est de refaire de la musique que moi j'aime danser, que moi j'aime aller voir, puis de mettre des paroles francophones par-dessus, parce que ça se fait pas, puis parce que c'est le monde qui m'entoure. Donc toi, tu vas être un précurseur là, dans le DJ francophone. Ben, je sais pas si c'est ça mon but, là. Si le monde aime ça puis écoute, tant mieux. Je pense pas que je suis rendu à me dire pionnier. Il y a plein de monde, surtout au Québec, qui en ont déjà fait. Mais je veux dire, à date, je m'amuse puis je fais ce que je veux puis sans trop de limitations. Sylvia Bernard, DG de la Clé, tu es avec nous aussi. On a aussi Mathieu qui va participer au camp DJ. Salut Mathieu. Allez, ça va bien. Il est là. T'avais quelque chose à ajouter, toi, Sylvia? Oui, en fait, moi, ce qui m'a impressionné la première fois que j'ai rencontré Pierre, c'est sa passion pour la langue française. Puis, c'est pas nécessairement facile de percer le marché en français en Ontario. Pourquoi t'as choisi de faire que de la musique en français? Ben, c'est drôle parce que même... c'est super simple. C'est parce que c'est la langue que je comprends le mieux quand j'écoute de la musique. Même de la musique anglophone, maintenant, il faut vraiment que je me concentre pour pouvoir comprendre les rimes, pour pouvoir comprendre le contexte de la chanson. Puis ça fait... T'sais, on s'entend, ça fait 15 ans que je suis ici. Fait que l'anglais, maintenant, je passe d'un bar puis de l'autre, puis il n'y a aucun problème. Mais ça reste... que c'est toujours pas naturel. Donc, étant donné que le français, c'est ma langue maternelle, puis c'est juste des émotions, puis c'est juste plus facile pour moi de le comprendre. Fait que c'est devenu comme ça. C'est juste aussi simple que ça. Je veux dire, c'est peut-être plate comme réponse. Là, mais... T'as-tu déjà des jeunes dans les écoles qui t'ont vu arriver, qui te connaissaient pas, puis qui déjà, d'emblée, avaient dans leur tête que de la musique francophone, c'est plate, ça peut pas être cool? Ouais, ben ça, je pense que c'est pas juste les jeunes, là, c'est tout le monde. Là. Je veux dire, veux pas. Tu sais, en m'en venant ici, j'écoutais juste la radio, puis il y a comme eu 3 tunes avec de l'espagnol, un en arrière de l'autre. Puis tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a pas, tu sais, une tune avec un peu de français dedans. Tu sais, c'est des tunes bilingues, là, où il y a de l'espagnol puis de l'anglais mélangé tout le long. Puis tu te demandes, ben, il me semble que ça serait cool. Il y en a plein qui viennent de sortir. Puis il y a des Américains qui, justement, traduisent leurs chansons. Je vais essayer de sortir mon téléphone pendant que je parle pour ne pas perdre le fil. C'est Elijah Wood qui vient de sortir une toune. J'ai pas de signal, fait que je ne serais pas capable de la sortir. Mais il a traduit sa toune. Puis elle pourrait très bien, comme vous la connaissez en anglais, vous la connaissez, puis elle joue pas. Fait que, tu sais, je suppose que je m'en vais avec ça, mais dans le fond, c'est juste pour dire que c'est pas juste les jeunes, je pense que c'est juste la culture de la musique en général. C'est pas que c'est pas cool, c'est juste que ça peut juste pas être naturel pour le monde. Hein. Moi, je me demande, en faisant de la musique seulement en français, étant DJ, est-ce que ça te ferme des portes sur l'international? Absolument pas. À date, l'international cogne à ma porte parce que je le fais en français. Quand tu regardes, quand j'ai commencé, je jouais pas... les musiques que moi j'avais quand je vais à Toronto, c'est en anglais ou c'est de l'instrumental. Right? Donc, c'est ce que moi j'avais dans ma bibliothèque. Que ça m'a pris des années à construire, mais fait que je jouais en anglais, je jouais dans les bars, je me faisais payer 50$ pour 4 heures de travail, puis à la fin de la soirée, il est 4 heures du matin, puis tu te dis pourquoi je fais ça. Tu faisais pas ça pour te mettre riche là, au départ. Là. C'était pas ton but premier, là. C'était pour l'amour de la musique. Oui, puis c'était pour l'expérience. C'est juste parce que c'est ça que tu veux faire. Right? Tu le vois sur YouTube, tu le vois, tu sais, t'as une idée de que c'est cool être DJ puis tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais quand j'ai demandé à un monsieur, tu sais, au responsable ou peu importe, le manager du bar, d'être payé plus cher que ce qu'il me donnait, il me dit, ben regarde, t'en as 4 autres en arrière de toi qui vont faire exactement la même chose pour 50$, sinon moins. Donc, tu peux soit... le prendre ou soit arrêter de le faire. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai comme fait, OK, ben là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je suis différent que les 4 autres qui sont en arrière de moi? Puis ce qui était différent, ben c'était ma langue. Fait que ça a comme été, ça a pas été tout en même temps, mais ça, c'était vraiment mon côté de DJ. Produire de la musique, c'est pas être DJ, c'est être compositeur, c'est différent, right? Mais pour être DJ, c'est comme ça que j'ai comme fait, OK, là, je vais arrêter de chercher des shows, puis je vais juste me concentrer ou commencer à être bilingue. Puis maintenant, même quand je fais de la corpo ou quand je fais des shows qui sont pas nécessairement francophone. Donc, le monde ne m'appelle pas. Tu sais, c'est des amis, ou tu sais, tu fais ce que tu peux quand tu peux, pas juste ce que tu veux des fois. Puis, je fais toujours passer au moins 2 ou 3 tunes en français dans un set, même si c'est pas le monde. Puis à toutes les fois, je reçois un commentaire. À toutes les fois, c'est immanquable, c'est genre 100%. À toutes les fois, il y a quelqu'un qui vient me voir, soit que c'est un francophone, comme un exporté, tu sais, qui est genre un expat, puis qui est comme, oh mon Dieu, j'aurais jamais entendu, tu sais, penser, ouais, ben comme nous autres, comme tout le monde, je pense, tu sais, ou t'as quelqu'un qui est allé en France dans un échange, genre, pendant 6 mois, puis là, tu sais, ils viennent me voir, puis ils font comme, oh mon Dieu, j'entendais cette tune là, comme 10 ans en France quand je suis allé, puis ça part des conversations. Fait que sérieusement, ce côté-là, tu sais, c'est toujours ma signature, même si le 4 heures ou le 2 heures ou la demi-heure que je fais, je mets tout le temps un peu de francophone dedans, puis à toutes les fois, je vais chercher un. Ça part une conversation. Il n'y a jamais, jamais, jamais personne qui est venu me dire. Un commentaire négatif sur la musique que j'ai faite. Habituellement, c'est sur la musique anglophone qu'ils viennent me chialer parce que c'est pas ça qu'ils voulaient entendre ou c'est pas ça, tu sais. Mais il y a jamais vraiment personne qui est venu me dire comme, non, arrête cette tune-là, tu sais. Il y a une ouverture aux autres qui se fait là, avec la musique. Ouais, surtout quand t'es dans le live, tu sais. Je voulais me tourner. Aussi que t'as un petit côté baveux, je dirais, dans ta musique, dans le sens que des fois, tu vas rechercher des vieilles tunes que tu vas réarranger, que les gens vont redécouvrir, qui était du temps de mon père, là, qui n'a rien à voir avec la musique électronique. Moi, je trouve ça intéressant de voir que tu ne te limites pas juste aux années 2000, mais ouais. Tu vas chercher beaucoup plus loin des tunes, puis que tu les intègres merveilleusement dans une série, dans un montage. Oui, ben merci pour le compliment. Non, mais tu sais, du Dalida dans de l'électronique, ouais, là, je pense... que c'est assez différent. Hein? Oui, ouais, mais pas ça tous les jours. T'as pas le choix non plus. T'sais, à un moment donné, le catalogue, la bibliothèque devient... J'essaie de réinventer des affaires aussi. T'sais, c'est la même chose qu'un gars qui est dans un bar puis qui fait des covers avec sa guitare. T'sais. Il va donner son propre... ses propres saveurs, ses propres choses à la chanson. Tu donnes des couleurs. Des couleurs, c'est ce que je cherchais. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu la même chose que je fais avec des vieilles chansons. Puis je suis en train de présentement travailler sur une série de remix justement de chansons qui varient des années 80 jusqu'à aller à 2018. Là. Mm-hmm. Je voulais me tourner vers Mathieu qui est avec nous. Rapproche-toi du micro, Mathieu, pour qu'on t'entende bien. Tu vas participer au camp DJ, toi, ici, à Penetang. C'est ta première expérience? Non, je le fais avec l'école aussi. Je fais du DJ avec Le Caron. OK, oui, c'est vrai. À Le Caron, ouais. Je vous ai vu quand je suis allé à Barrie. Vous étiez excellent. Qu'est-ce qui t'amène là, à vouloir te perfectionner là, dans le monde des DJ? Veux-tu devenir... DJ 1 Pierre numéro 2? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie encore. Je suis encore en 9e année, alors j'ai un peu de temps. Mais peut-être je veux faire du DJ, je ne sais pas encore. Peut-être des sciences, mais j'aime beaucoup de la musique. Et je trouve dans mon école que personne aime la musique francophone. Comme, même s'ils n'écoutent pas. Pourtant, t'es dans une école francophone. Pardon? T'es dans une école francophone. Ouais. Ça devrait être la base d'écouter en français. Oui. Toutes les chansons qu'on joue à l'école est en français, mais personne disent comme je n'aime pas la musique francophone parce que ils n'ont pas de raison, ils n'ont jamais entendu, ils juste croient. Oh, ça devrait être con ou... Mais c'est un peu, je pense que c'est un peu une réaction naturelle aussi parce que tu sais, de la musique veut pas, c'est attaché à des émotions, c'est attaché à des expériences. Ouais. Fait que si ce monde-là n'a pas des expériences avec de la musique francophone, ou la seule expérience qu'ils ont, c'est parce que depuis qu'ils sont jeunes, genre, l'enseignante de 65 ans lui a montré de la... Tu sais, c'est pas méchant, là, mais veut pas, des fois, c'est peut-être juste ça. Ils n'ont pas été introduits, ils n'ont pas vécu une expérience, ils n'ont pas vécu, ils ne sont pas tombés en amour sur une chanson en français, ils sont tombés en amour avec une chanson pendant qu'ils écoutaient une chanson en anglais. Tu sais, la radio... Fait que, tu sais, je pense que c'est... C'est c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute du bord. Mais tu sais, du monde comme Matthew, du monde comme moi, qui un jour vont pouvoir rencontrer ce monde-là, leur faire vivre des expériences, leur faire vivre des émotions à travers une musique francophone, ben là, c'est peut-être là qu'il va y avoir un déclic. Puis si c'est une toune, au moins c'en est une, tu sais. Puis ils vont peut-être être curieux d'aller chercher en ligne pour aller chercher quelque chose d'autre. T'sais. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand je suis venu ici, je me suis dit, ça va être difficile de faire un log qui a du bon sens en français. Et j'ai commencé, puis je me suis dit, il y a donc bien de la bonne musique francophone. En fin de compte, c'est pas sorcier, là. Faut en écouter pour apprécier la musique. Ouais, faut juste prendre le temps de chercher. Mm-hmm. Faut juste prendre le temps de chercher, puis pas de se décourager. Puis savoir aussi, tu sais, je pense que des fois, c'est pas savoir quoi chercher, pas, ou qu'est-ce que tu veux trouver. Puis veux pas, moi, la musique que... Tu sais, j'essaie de penser à votre âge, tu sais, quand j'étais au secondaire, en secondaire 3, fait, tu sais, 9e année, right? 14, 15 ans. C'est ma sœur, c'est ma grande sœur qui me montrait des tunes, tu sais. Puis là, c'était du Grimmskong, puis tu sais, c'était du punk rock, tu sais. Puis c'était francophone, mais il y avait aussi du Slipknot, tu sais, c'était anglais. Mais nous, dans ce temps-là, on était dans un bassin où est-ce que, bon, ben, c'était en français partout, right? C'était à Québec. Fait que c'était un peu différent. Mais ici, ton frère, ta sœur, ben, soit sont peut-être plus vieux ou ils n'ont pas ces référents-là, ils n'ont pas mm-hmm. ce... Là, toi, DJ Pierre, tu vas venir donner le camp DJ ici. Ça représente quoi pour toi donner un camp à des jeunes du secondaire, du high school? Ben, ça représente une opportunité en or de genre me créer une petite armée là, de DJ qui comprennent un peu ce que je fais. C'est ton club école, là, un peu comme le Canadien? Ouais, c'est ça. Ben, ça serait malade là, d'avoir comme une trollée de petits DJ, genre, qui sont capables de me suivre aussi, tu sais. Parce que moi, présentement, je le fais tout seul, puis à date, il n'y a pas grand, tu sais, il n'y a personne d'autre. Qui le fait. Mais je dis personne. Il y a DJ Scorpion qui est à Ottawa. Mais comme il y a déjà plusieurs projets, fait que tu sais, il se promène pas partout en province. T'sais. Moi, je rêve d'être capable de partir comme 3, 4, 5 DJ ensemble, puis partir sa route, puis faire des shows genre sa route, puis juste nous promener, puis vraiment faire le party, puis vraiment faire vivre des expériences puis des émotions au monde. Mais je serais pas capable de faire ça cette année, mais si on est capable, par des camps, une année, d'en accrocher comme 4-5, puis l'année prochaine, d'en accrocher 4-5, puis à la fin, ben, veut pas, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais je pense que c'est quand même quelque chose que s'ils ont l'expérience cette année, ben, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans, ou quand ils vont être rendus à l'université, quand ils vont être rendus au collège, ben, ça va revenir. Ils vont voir, ils vont avoir une opportunité. J'espère que ça va leur avoir collé en arrière. En arrière du cerveau, puis que ça va revenir, puis qu'ils vont avoir compris ce que j'essayais de leur faire faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est une expérience de vie aussi. Mais là, c'est ça. T'sais. Puis une chose qui est intéressante, quand j'ai approché un Pierre pour ce projet-là, pour nous autres, c'est important d'équiper, puis que les jeunes n'aient pas juste une platine, mais les jeunes vont travailler en équipe pendant le camp, ils vont être deux, ils vont avoir une platine, un ordinateur pour 2 jeunes toute la semaine. Donc, ils vont vraiment apprendre à les manipuler. Puis notre souhait à la clé, c'est que les 12 autres mois de l'année, que ça ne reste pas dans le garde-robe ici. Donc, si des jeunes sont capables de triper ici pour un camp comme ça, moi, je souhaite que ce camp-là se répande un peu partout dans la région, puis qu'on puisse profiter du fait qu'on a le matériel, puis que DJ m'appelle puis me dit « Sylvia, j'ai un autre camp dans 3 semaines, je peux-tu emprunter ton matériel? Go! » Toi, Sylvia, ton objectif, c'est de faire des petits avec ça. Là. Oui, je veux faire des petits, parce que nos jeunes adolescents, là, comme Mathieu, il en a parlé, des occasions en français, là, il n'en pleut pas. Alors, puis des offres intéressantes qui rejoignent leur intérêt, il n'y en a pas non plus beaucoup. Alors, pourquoi pas leur offrir? Puis pour nous autres, d'offrir un camp à peu de frais, c'était vraiment important parce qu'on voulait que Mathieu soit capable, avec son argent de poche, de se payer le camp spécialisé DJ. Oui, c'est sûr qu'à 14, 15, 16 ans, on ne gagne pas 25 pièces de l'heure. Hein? C'est ça. Alors, pour nous, que le camp soit accessible à 25 $, lunch fourni toute la semaine. Quoi? Je savais même pas le prix. 25 $. C'est ridicule. Le lunch est compris. Moi, je peux-tu participer parce que ça me coûte plus cher que ça pour manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Comme, tu vas avoir des repas santé à chaque jour. On veut vraiment créer une ambiance. Puis tantôt, Mathieu, tu parlais de que tes amis n'ont pas l'occasion, ils ne connaissent pas la musique francophone. J'espère que tu leur as déjà dit qu'il y avait un party ici pour fêter la fin de la semaine. Inviter ta gang puis qu'ils viennent danser sur de la musique francophone puis avoir du fun. DJ Pierre, j'aimerais ça que tu me parles un peu. Tu vas être au Festival du Loup aussi, qui est du 12 au 14 juillet prochain. Tu vas participer au Festival du Loup. Tu vas jouer un set à... Le 14, le samedi soir. C'est cool, ça. C'est à la fin du camp, ou avant? C'est avant. Comme le camp, c'est le 16. C'est le lundi le 16, puis moi, je vais être ici le 14. Fait qu'on fait la fête. Puis on fait danser le monde. Je pense, si je me trompe pas, c'est genre à la fin de la soirée. Donc, quand les bands sont finis, ben c'est moi qui embarque. Puis, tu sais, c'est quasiment un after party, là. Tu sais, on s'amuse, puis on pousse le son un petit peu plus longtemps. Ça va être vraiment cool. T'aimerais dire quoi aux jeunes qui ont envie de faire ça, des poussées, parce que c'est pas un monde qui est très, très accessible. On voit pas ça comme ça. Mais c'est plus accessible qu'on le pense. Je veux dire, c'est juste d'être curieux puis de se trouver une façon de se démarquer. Puis je pense que c'est un peu comme... T'sais, dans l'art, là, c'est tout un peintre ou un acteur ou une chanteuse, pardon. C'est toute la même chose. Il faut trouver c'est quoi qui nous fait vibrer, puis c'est quoi qui fait en sorte qu'on est différent des autres. Parce que veux pas, comme on est tous. Comme moi, je suis différent comme toi, tu sais. Veux pas. Donc, exact. À ce moment-là, ça peut prendre du temps, puis il faut pas se décourager. Comme je disais au début, je jouais juste comme tout le monde avant, jusqu'à temps que quelqu'un me donne une claque d'en face en me disant « tu vaux pas plus que l'autre à l'arrière de toi ». Fait que c'est là que j'ai pris du recul, puis j'ai pensé, puis ça m'a pris du temps avant de faire comme « tu sais, je suis donc ben cave, c'est ma langue, c'est ma culture, c'est moi, j'ai ça, puis il y a personne d'autre qui l'a, ou s'il y en a d'autres, ben, tu sais, ils n'ont pas pensé encore. Fait que c'est juste ça. Fait que, tu sais, dans le fond, s'il y a quelqu'un qui... Puis ça s'applique pour n'importe quel art ou n'importe quelle matière, je pense. C'est juste de trouver un peu c'est quoi la différence entre toi puis l'autre personne, puis... d'embrasser cette différence-là puis de l'utiliser définitivement puis pas de se le cacher. Si on veut t'écouter, te suivre, on fait comment? Ben, je suis partout, DJ Unpierre, UNPIER, puis dans le fond, Spotify, SoundCloud, Facebook, Snapchat, Instagram. Il y a une couple de monde qui t'écoute sur Spotify. Ouais, ben Spotify, c'est fou, là, cette affaire-là. Ouais, c'est ça, je suis rendu à genre 10 000 personnes qui m'écoutent en ligne depuis genre la semaine passée, là, fait que c'est comme un peu fou. J'ai retrouvé aussi le nom de la toune que je cherchais tantôt. C'est pas facile, Ain't Easy, comme je la chanterai pas, là, mais vous irez voir ça, Elijah Wood, Woods et Jamie Fine. Pas facile, Ain't Easy. Puis vous allez la reconnaître tout de suite. Puis il chante. C'est lui, là, tu sais, c'est traduit, mais c'est sa voix, c'est lui qui chante. Fait que c'est vraiment cool de voir la comparaison des deux. Mais tout ça pour dire, vous pouvez me trouver n'importe où sur SoundCloud. J'ai comme des mixtures aussi, genre. Fait que ça passe de 15 à 60 minutes de musique comme déjà faite, mixée ensemble. Puis, si ça vous tente d'écouter ça dans votre auto, tu sais, ou à l'école, ou quand vous faites des devoirs, vous travaillez. Mais si vous voulez écouter mes chansons faites originales, mais c'est la meilleure façon, c'est bien sûr Spotify. YouTube, je l'ai aussi. Je mets des petites vidéos avec les paroles. Puis, le 12 juin, j'ai une nouvelle chanson qui va sortir aussi. Mm-hmm. Merci à Mathieu, Sylvia. DJ Pierre, est-ce que tu peux nous présenter la chanson que je vais mettre? Oui, donc la prochaine chanson est sortie à peu près voilà, deux semaines. Ça s'appelle Amour simple et je l'ai faite avec mon cher ami Salen Kay et une chanteuse extraordinaire que personne ne connaît, Jade B, que j'ai rencontrée à Barrie, justement, à Nouvelle Alliance, voilà une couple d'années. Puis maintenant, elle est rendue à Montréal, mais ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, puis c'est ça. Merci, voici le nouveau morceau de DJ Jean-Pierre. On le remercie. Merci, merci. Je te vois, j'ai des frissons. Je frémis de tout mon corps quand j'entends ton nom. Même si ta présence me tourmente, ma place est ici avec toi. Dans ces draps, nos corps fusionnent. Tu ressens nos cœurs qui résonnent. Oh, oh, oh, oh. Fais-moi vivre ces sensations jusqu'à ce que j'oublie. Sur moi, j'ai tant besoin de toi.